Bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô! Bienvenue au Lobster 59.0, un lobster en pleine semaine de fête. Je viens d'avoir 46 ans. Et quelques jours avant moi, c'était la fête de mon ami Martin qui a franchi ce même cap aussi. C'est aussi la fête de mon garçon et celle de mon frère. Donc, début décembre commence toujours en force pour nous amener jusqu'à Noël. Donc, j'ai eu 46 ans et toujours heureux, c'est le constat que je fais. Je peux pas me plaindre, j'ai une belle vie, une vie normale en fait. Avec les mêmes défis qu'on a tous à différents degrés, le travail, la vie familiale et tout ce qui gravite autour de ça. Bref, je croise les doigts pour l'instant. Tout tourne rond autour de moi, donc j'ai pas à me plaindre. Et ça tourne rond dans le Lobster aussi. J'ai encore plein de choses à vous jaser cette semaine. Et mon premier sujet est en lien avec le dernier Lobster. Je vous avais parlé que la franchise Pokémon était la plus lucrative avec les 90 milliards qu'elle avait rapporté jusqu'à maintenant. Et quand j'en reparlais autour de moi, je me faisais challenger sur le chiffre. Et même moi, je me demandais, c'est-tu vraiment des milliards? Et oui, dans un deuxième article que j'ai trouvé, j'ai eu la confirmation, mais ça reste quand même des chiffres impressionnants. Dans le deuxième article que j'ai trouvé, il nous parlait des 5 franchises les plus payantes. Mais avant de vous donner ce top 5, l'article, lui, nous parlait du Seigneur des Anneaux, qui ne fait pas partie des 5 franchises les plus payantes, mais qui, avec ses 19,9 milliards de dollars rapportés depuis sa création en 1937, reste quand même une des franchises qui est payante. Aussi, l'article parlait de One Piece, que je connais pas, mais qu'Internet semble bien connaître. C'est un manga qui existe depuis 1997 et qui vient d'atteindre les 20 milliards de dollars, avec principalement la vente de ses magazines, mangas, produits dérivés, jeux vidéo, films et épisodes animés. Donc, une franchise que je ne connais pas, mais qui accumule aussi les dollars. Donc maintenant, notre top 5. Star Wars, avec Luke, son père et toute la famille, arrive 5e. Ayant rapporté un beau 65 milliards. Et c'est pas fini, Disney ayant acheté la franchise avec l'intention de l'exploiter à fond. J'ai déjà hâte de voir une suite à leur spécial de Noël. En 4e position, une souris aux grosses oreilles noires, Mickey Mouse et tous ses amis ont rapporté jusqu'à maintenant 70 milliards. En 3e position, un ours friand de miel, Winnie the Pooh, avec 75 milliards. En 2e position, une petite chatte portant un ruban rouge dans les cheveux, Hello Kitty, 80 milliards. Et finalement, en première position, qui n'est pas une surprise, Pokémon avec ses 90 milliards. D'ailleurs, cette semaine, mon plus jeune garçon s'est aperçu, sûrement via une pub dans YouTube, qu'un nouveau jeu de Pokémon était sorti. Pokémon Sword ou Shield. Et on est allé l'acheter. Et c'est le fun. Moi, je l'ai regardé jouer et je trouve que c'est bien fait. C'est amusant. Le principe est celui qu'on connaît bien. Tu attrapes des Pokémon en jouant le rôle d'un dresseur. J'ai vraiment rien à redire sur le jeu. Les critiques, eux, l'ont classé 9 sur 10. Un jeu superbe et vraiment amusant. Nous, de notre côté, on cherche encore pour attraper Pikachu. On l'a vu, mais on n'a pas réussi à l'attraper. Petit détail sur ce jeu de Pokémon, le jeu vient en 2 versions. Et c'est quoi la différence entre les deux? Ils ont chacun des Pokémon exclusifs. Nous, on ne le savait pas, on a pris Sword au hasard. Et notre gros Pokémon exclusif est un oiseau ou canard qui tient un poireau. Alors que dans l'autre jeu, ils ont une genre de pouliche arc-en-ciel super belle. Donc on était déçus quand on a vu ça. Mais en lisant un peu sur les deux jeux, on a appris qu'avec Nintendo Online, on pouvait échanger pour avoir les Pokémon qu'on n'avait pas. Donc on s'est inscrit aux 7 jours gratuits de Nintendo Online et mon garçon a réussi à échanger son canne artichaut contre Ponyta. Donc, il était content. Donc, peu importe le jeu, on peut avoir tous les Pokémon, mais si vous avez le choix, prenez Pokémon Shield pour être sûr d'avoir Ponyta sans devoir passer par des échanges. Sinon, j'ai aussi lu que le 21 novembre 2019, soit quelques jours après la sortie du jeu, Nintendo ont annoncé qu'ils en avaient vendu plus de 6 millions d'exemplaires, que ce soit en copie physique ou virtuelle, faisant alors de ce jeu celui qui s'est vendu le plus rapidement pour cette franchise. Voilà pour Pokémon. Nous, on a complété la mission principale en 21 heures, donc ne reste maintenant que les jeux et les défis d'attraper tous les Pokémon. On écoute un peu de musique et au retour, on parle de vieilles recettes de cuisine. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show! Me. No thunder, wind, and rain. Eels are crawling everywhere, compounding with the game. Yeah! Les recettes vieilles de 4000 ans ont été testées. Et qu'est-ce qu'on en dit? Oh, God, it's so good. So good. So good and tasty. So good and tasty. Vous irez voir la vidéo de ce chef qui cuisine du jello et rajoute des bananes dessus. C'est une vidéo drôle que j'ai vue sur 9gag et que j'ai ensuite trouvée sur YouTube. C'est un jeune chef de cuisine, je sais pas si c'est blague ou non, mais il s'extase devant la nourriture qu'il prépare. La vidéo se nomme So good and tasty dans YouTube. Donc maintenant, des recettes vieilles de 4000 ans, d'où ça sort? Vous avez peut-être vu l'article passé. Des textes cunéiformes gravés sur des tablettes correspondant à l'heure actuelle aux recettes les plus anciennes au monde avaient été décodés il y a près de 35 ans par un assyriologue français. Datant d'environ 1700 ans avant Jésus-Christ, ce trésor historique avait été placé dans la collection babylonienne de Yale, sans que jamais personne ne tente de cuisiner ses mets à nouveau. Et là, c'est désormais chose faite. Pas de viande, préparez de l'eau, ajoutez de la graisse, du curat, de la coriandre, du sel à volonté, des poireaux, de l'ail, pilonnez du levain séché, passez au tamis et dispersez-le par-dessus. Bien que relativement simple, cette recette végétarienne nommée le dénouement pourrait facilement trouver sa place dans un livre de cuisine moderne. Vous voulez connaître le ou la chef qui l'a confectionné? Impossible, cette personne est morte il y a environ 4000 ans. Une équipe internationale spécialiste en histoire culinaire, en chimie alimentaire et en écriture cunéiforme a uni ses forces pour reconstituer 3 des 21 recettes déchiffrées, dont 2 ragoûts d'agneau et une recette végétarienne avec du pain à la bière. C'est comme une sorte d'archéologie culinaire qui a pour but d'approfondir la compréhension de la culture babylonienne. Donc, c'est un tas de vieilles recettes qui avaient été déchiffrées, qui traînaient dans un musée et qu'on a décidé de papoter. Selon l'article, ces recettes sont originaires de Mésopotamie, région historique comprenant une grande part de l'actuel Irak, Syrie et une portion de la Turquie. Et selon les chercheurs, il semble que certains de ces plats antiques sont encore confectionnés aujourd'hui. Outre l'utilisation d'épices et de coriandre, l'exemple le plus flagrant serait le ragoût d'agneau qui semble avoir véritablement traversé les âges. Donc, des recettes de 4000 ans préparées encore aujourd'hui. Et je me demande si notre tourtière du lac Saint-Jean n'est pas une recette amérindienne ou une recette apportée par nos ancêtres français. Allons voir. L'origine de la tourtière. Contrairement à la croyance populaire, le nom tourtière ne vient pas de la tourte voyageuse, une espèce d'oiseau maintenant disparu. Ça, on le savait déjà. C'est ce qu'on nous répète à chaque fois qu'on parle de la tourtière. Ce que je ne savais pas, c'est que son nom provient plutôt du plat dans lequel on la faisait cuire. Donc, la tourtière, c'est le nom d'un plat dans lequel on faisait évidemment des recettes. Et la plus ancienne recette connue de tourte ou tourtière se trouve dans le Liber de Coquinat du 14e siècle, la Torta Parmigiana, qui comportait au moins 6 étages de différents ingrédients. Elle descend en droite ligne du Pisam Facilem d'Apicius, un pâté en terrine où se superposaient grives, saucisses, jambon, pois et autres ingrédients. Donc, historiquement, la tourtière est donc un ustensile de cuisine, un moule qui sert à faire cuire des tourtes ou des tartes. Et ce Liber de Coquinat que je parlais, c'est quoi exactement? C'est un livre de cuisine écrit en latin au début du 14e siècle, commandité par la maison d'Anjou Sicile, qui était originaire d'Italie méridionale et il reste un des plus anciens livres de cuisine médiévale. Sinon, j'ai vu que dans différentes régions, la tourtière est un plat plutôt surprenant. En Gascogne, la tourtière est un gâteau aux pommes ou aux pruneaux, proche du pastis gascon. En Limousin, une tourtière ou pâté de viande est une préparation équivalente au pâté de pommes de terre, mais incluant de la viande, traditionnellement du porc. Et finalement, à l'époque de la Nouvelle-France, on employait l'expression « pièce tourtière » plutôt que « tourte » et il s'agissait alors d'un pâté de lard salé. Voilà, c'était la minute culinaire du Lobster. Oh, God, it's so good! So good! So good and tasty! I don't know what. your destiny lies with me, Skywalker. Obi-Wan knew this to be true. There is no escape. Don't make me destroy you. Join me, and I will complete your training. If you only knew the power of the dark side. Star Wars, l'ascension de Skywalker. Ce film arrive en salle le 18 décembre. Moi, j'ai hâte de le voir, même si je suis plus sûr de bien suivre l'histoire. Je vais devoir relire l'histoire du 8e film avant de voir le 9. On écoute la bande-annonce pendant que je me remets à jour. C'est un instant. Une sensation. La force nous a réunis. Nous ne sommes pas seuls. Les gens honnêtes combattront si on les guide. Tout le monde croit me connaître. Personne ne me connaît. Moi, je te connais. Longtemps, j'ai attendu. À présent, votre rapprochement. Et votre perte. Mais qu'est-ce que tu fais, Tropeo? Je regarde une dernière fois. Mes amis. Affronter la peur, c'est le destin de tout Jedi. Ton destin. La force sera avec toi. Toujours. Bon, ça augure bien pour la finale. Là, je viens de prendre le temps d'aller lire le synopsis du 8e film et j'avais pas mal tout oublié. On se fait donc un petit résumé pour être prêt pour la finale. Donc, le titre du 8e film était « Les derniers Jedi ». Ça nous en dit pas mal sur ce dont je vais parler. Lorsque l'épisode débutait, les derniers éléments de la Résistance étaient traqués par le Premier Ordre. La générale Leia Organa terminait l'évacuation de leur base principale lorsqu'une flotte du Premier Ordre arrive en orbite depuis l'hyperespace. Le Premier Ordre, ça c'est les restants de l'Empire Galactique dont Palpatine était l'empereur. C'est nos méchants. Et un des soldats du Premier Ordre, Finn, qui est entré dans le Premier Ordre pour devenir Stormtrooper, va se rebeller. Sa gang sont à la recherche d'une carte pour retrouver Luke Skywalker qui est caché. Mais Finn y refuse les ordres qu'on lui donne de détruire un pauvre village de gens innocents, donc il se sauve et je vous passe tous les détails, mais il va devenir ami avec Rey. Rey qui est notre héros féminin du côté des bons. Rey, c'est aussi celle qui cherche Luke pour devenir Jedi. Elle a trouvé la carte et trouve Luke, je résume très vite pour pas qu'on s'éternise, mais Luke veut pas l'entraîner. Bon, il va finir par lui donner 2-3 cours car il est troublé. Son école de Jedi a été détruite par Ben Solo. Luke ayant décelé qu'il pouvait basculer du côté obscur, avait hésité à le tuer et bing bang, ça a mal viré. Donc Ben Solo a détruit son école. Bon, Ben, c'est qui? C'est le fils de Léa et de Yann Solo, et dans le Premier Ordre, il occupe un poste équivalent à ce que Darth Vader occupait pour l'Empire. Il a suivi l'entraînement de Jedi, mais est passé du côté obscur de la Force. Et ces deux-là, nos deux héros, Rey et Ben, alias Kylo Ren, sont connectés par la Force et ont des visions communes, et Ray espère toujours ramener Ben du bon côté de la Force. Bon, pendant ce temps-là, Luke, lui, est tourmenté et décide de détruire les textes fondateurs des Jedi et c'est finalement Yoda qui va apparaître et les brûler et lui dire une petite phrase savante. Finalement, avec plein d'action, Leia et sa gang sont réfugiés sur une ancienne base de la Rébellion et ils vont lancer un appel à l'aide car là, ça va mal. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Et finalement, c'est Luke qui vient à leur secours. Marchant seul vers les troupes du premier ordre, Luke défie son ancien élève qui, au départ, veut pas venir se battre contre lui. Il fait tirer son armana dessus, mais Luke en ressort indemne. Donc, Ben est obligé d'aller se battre. I will have killed the last Jedi! Amazing. Every word of what you just said was wrong. Pif, paf, pirouette et bataille. Quand le méchant pense tuer Luke et avec lui en finir avec le dernier Jedi, Luke lui dit qu'il n'est pas le dernier, il y a encore Rey, la fille. Et Luke, finalement, il disparaît, il n'était pas vraiment là. C'était seulement une image de lui qui projetait de sa planète. Ah, sacré Luke. Et là, de sa planète, il regarde une dernière fois le coucher de soleil et meurt. Il disparaît dans la Force en ne faisant qu'un avec elle. Rien de tel que de voir un dernier coucher de soleil avant de s'évaporer. Bon, la Rébellion, elle, est dans la mouise. Ils réussissent évidemment à se sauver, mais ils n'ont plus de vraie force. Mais, malgré la défaite, Rey et Leia se retrouvent dans le Faucon Millennium et s'expliquent avoir ressenti la disparition de Luke. Rey dit à Leia que la résistance est réduite en miettes et que l'espoir est mort. Ça aurait pu finir là, mais ça aurait été un petit peu plate comme fin. Mais non, Leia lui signifie au contraire qu'ils ont tout ce qu'il faut pour renaître de leurs cendres et pour continuer la lutte. Et la finale est la suivante. Au loin, dans les écuries sur Canto Bight, des enfants esclaves gardent espoir en écoutant l'histoire déjà légendaire de Luke, maître Jedi affrontant seul le premier ordre, dont un que l'on voit attirer à lui un balai sans le toucher, révélant ainsi son usage de la force. Et le film s'achève sur une bague que l'enfant porte au doigt qui est scène du symbole de la résistance et sur sa silhouette alors qu'il scrute l'horizon étoilé. Bon, voilà, la table est mise pour aller voir la finale. Là, c'est quand même la fin d'une saga qui a marqué notre imaginaire. J'espère qu'on ne sera pas déçus. Dans un des plans d'une des bandes-annonces du dernier film, on voit une armada de Star Destroyer de l'Empire Galactique et non du Premier Ordre. Est-ce que c'est Palpatine qui avait caché cette armada de Destroyer? Est-ce que Palpatine reviendra? Car on semble l'entendre parler durant la bande-annonce. Est-ce que les bons et les méchants vont devoir s'allier contre la menace Palpatine? Tout ça n'est que supposition. Est-ce que Disney va vraiment clore le dossier ou laisser place à une suite? Intérieurement, je me dis, je suis prêt pour une fin. Laissez-nous pas sur une possible suite à tout ça qui va faire jaser jusqu'à ma mort. À mon avis, ça devrait être une fin qui montre qu'il y a toujours de l'espoir. C'était ça l'essence des films. Pas une fin qui montre que X méchant peut encore revenir de ses cendres. Non, là, ça doit être une vraie fin. Et après, vous nous redémarrez une autre saga dans cet univers. Je suis prêt à en prendre plein. Je suis bon public pour tout ça, pour tout ce qui se passe dans l'univers de Star Wars. Et pour que le début de la prochaine longue saga soit aussi marquant pour la nouvelle génération comme quand le premier Star Wars nous est arrivé, il faut une grosse innovation. Ça devrait être le premier film où on doit tous mettre des casques complets de réalité virtuelle dans le cinéma. Pas des espèces de lunettes 3D dont personne veut et qui servent juste à nous faire payer plus. Non, là, une vraie innovation, des casques virtuels complets, avec une vue 360 dans le film, à toi de regarder là où l'action se passe ou de regarder ailleurs si tu veux t'attarder sur des détails. Et même si c'est pas parfait, faut que ça soit le premier du genre. Disney font assez d'argent avec Star Wars, j'ai pas de gêne si ça leur coûte 2-3 milliards à nous patenter ça. En échange, nous, on ira le voir 3 ou 4 fois au cinéma pour être sûr de tout voir et pour pas qu'ils soient dans le trou avec leur film. Bon, je vous mets un peu de musique pendant que je téléphone à Walt Disney Direct pour lui parler de mon projet. Walt n'est pas mort, il n'est pas congelé non plus, ça c'est une fausse rumeur. La vérité c'est que Walt Disney est tombé du côté obscur de la Force, il est comme Palpatine. Il contrôle encore son empire Galactico-Disney d'outre-tombe. I'm watching you fly. Voilà, déjà ma dernière intervention dans ce Lobster 59.0. Et avant de vous quitter, on va parler un peu de l'Afrique. Parfois, je regarde les nouvelles de d'autres journaux dans le monde et c'est très formateur. On réalise assez vite que les préoccupations ne sont pas les mêmes ailleurs. Voici donc certaines des dernières nouvelles sur l'Afrique. Un éléphant et des lions tuent un braconnier dans le parc national Kruger en Afrique du Sud. Et je vous préviens déjà, j'ai pas choisi un article sur les animaux sauvages pour faire sensation. Plusieurs des articles parlent d'animaux sauvages, faut croire que ça fait de l'actualité en tout temps. Donc dans ce cas-là, un crâne humain et un pantalon, c'est ce qui a été retrouvé dans le parc national. Il s'agirait des restes d'un homme tué par un éléphant et ensuite dévoré par les lions. La victime serait entrée illégalement dans le parc avec ses complices pour braconner des rhinocéros. Mais un éléphant a décidé que ça ne se passerait pas comme ça. Une fois bien piétiné, ses amis de la team braconnage ont tiré sa dépouille près de la route avant d'aller prévenir sa famille. Et quand sa famille a prévenu le parc pour retrouver la dépouille, il a fallu un beau 3 jours avant de le retrouver. C'est qu'entre-temps, les lions avaient flairé la bonne viande, ils l'ont donc mangée. Une chance, il semble que les lions ne mangent pas les pantalons ni les crânes humains. C'est ce qui a permis de confirmer la mort de l'homme. Yeah, baby! Yeah. Une autre nouvelle, cette fois du Nigeria. Le président Buhari vient de déclarer qu'il est vivant et n'a pas été remplacé par un clone. En effet, depuis un certain temps, une rumeur courait sur les réseaux sociaux que le président avait été remplacé par un clone. Cette rumeur est née depuis que le président a été traité pendant 5 mois en Grande-Bretagne pour un problème de santé grave mais non divulgué. Une absence qui aurait entraîné l'apparition de nombreuses théories comme de quoi il était mort et avait été remplacé par un imposteur. Heureusement, le président vient de poster sur Twitter un court vidéo où il répond aux questions à savoir s'il est un clone ou non. Cas réglé. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros. Ouais. Je t'avais promis qu'un jour tu te rappellerais de nos... Maintenant des nouvelles de l'Ouganda, où le ministre du Tourisme, M. Godfrey Kiwanda, a demandé que les femmes ougandaises bien roulées et sexy soient ajoutées à la liste des produits destinés à attirer les touristes dans ce pays de l'Afrique de l'Est. Donc, son idée, c'est d'utiliser des images de femmes aux formes généreuses pour attirer les touristes. Il a annoncé son idée lors du concours de beauté Miss Curvy Ouganda. L'Ouganda est doté de jolies femmes qui sont étonnantes à regarder. Pourquoi ne pas les utiliser dans notre stratégie pour promouvoir le tourisme? Déjà là, on voit que M. Kiwanda est vraiment une lumière en parlant des femmes en termes de produits et de vouloir les utiliser ainsi. Donc, sachez qu'il nous a aussi critiqué. Oui, il critique notre vision occidentale de la beauté qui célèbre la maigreur selon lui. Oui, c'est peut-être un problème cette vision, mais est-ce vraiment ce dont il devrait se préoccuper avec une vision aussi mauvaise de la femme? Probablement pas. Les femmes, c'est plus beau que les étés, sur les plages ensoleillées, pourquoi ne pas... Dernière nouvelle du Cameroun, la surcharge, l'une des causes principales d'accidents de la route. On a tous vu sur Filarmy ou dans des petits vidéos drôles des motos où on voit 5 ou 6 personnes sur un banc trop petit ou des autobus où sont entassés 10 fois trop de gens et de produits. Eh bien, c'est un problème majeur au Cameroun. C'est devenu une habitude, en fait. Pour eux, c'est impossible de penser à se déplacer seul. Le banc du conducteur est toujours partagé avec ce qu'appelle le petit chauffeur, qui est un enfant qui trouve place sur ce siège partagé, alors que sur les autres bancs, on s'entasse tant que ça rentre. Et les transporteurs clandestins, qu'on appelle les clandos, eux opèrent en dehors des routes à grande circulation et sont plutôt vus comme des petits débrouillards qui essaient de lutter contre le chômage en se lançant dans le transport en commun, mais où ils font fi de toute règle de sécurité. Et qu'est-ce que le pays fait pour contrer tout ça? Pas grand-chose, on dirait. Il semble manquer d'argent. Et le gouvernement, lui, a désigné certaines routes comme prioritaires, routes qui doivent être bien entretenues pour favoriser le commerce, et le gouvernement a prévu de faire de l'asphalte sur 200 km de route par année pendant 10 ans. Je sais pas, mais 200 km par année, c'est pas grand-chose. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont rouler encore longtemps sur des routes secondaires parcourues par les clandos qui vont continuer à offrir le service de navette pour se déplacer. Bienvenue dans le Magicobus, transport d'urgence pour les sorcières et les sorciers en perdition. Je m'appelle Stan Rockade et je serai votre contrôleur pendant ce voyage. On peut y aller, Earn ? Oui, Earn, on peut y aller ! Ça va secouer un max ! Comment t'as dit que tu t'appelais déjà ? Je ne l'ai pas dit. Où est-ce qu'il faut qu'on te dépose ? Au chaudron baveur. C'est à Londres. T'as entendu, Earn ? Le chaudron baveur, c'est à Londres. Le chaudron baveur ? Si tu prends de la soupe au pois, mange-la vite avant qu'elle te mange ! Voilà, c'est toujours intéressant de voir une autre réalité que la nôtre. Mais tout comme nous, sur le site de Nouvelles Africaines, ils ont une section insolite. Et oui, on vient juste de parler des nouvelles normales. Et dans leur section insolite, on parle du concours Miss Afrique. Durant le couronnement de Miss Afrique 2019, on voit dans une vidéo les deux finalistes. Et c'est Dorka Kassindé, représentante du Congo, qui voit son nom résonner au micro pendant qu'on allume les effets de pyrotechnie annonçant sa victoire. Malheureusement, la jeune et grande femme est trop proche des étincelles et ses cheveux, montés en une belle boule généreuse, prend en feu. Et avant qu'elle s'en aperçoive, le feu a le temps de monter 6 pouces de haut, ce qui donne un très beau moment télévisuel. Dorcas Kassind had just been announced as the winner of Miss Africa 2018 when pyrotechnics were set off to celebrate her victory. As Dorcas, who was representing Congo, cried tears of joy and hugged another contestant, her hair caught fire. Footage shows the 24-year-old seeing the flames out the corner of her eye as a man runs over and begins patting her head. Gasps can be heard from the audience while people rush to her aid. Fortunately, Dorcas was not injured and she later posted a video assuring her fans she was okay. She said, I'm good. My hair, it's okay. I feel good now. Thank you. I'm so happy and I want to thank you all to come tonight to support me and support me on social media. Donc, malgré le drame, Madame Dorka a reçu 35 000 $ pour avoir gagné ainsi qu'un VUS. Voilà ce qui met fin à nos nouvelles sur l'Afrique et qui met aussi fin à mes interventions dans ce Lobster. Sur ce, je vous souhaite bonne fin de Lobster et bonne semaine. Non, mais moi j'ai rien contre les jeux d'argent. Simplement, éviter de me tondre ma clientèle à blanc. Qu'est-ce que vous voulez ? Un intéressement au gain ? Je dis pas non. Bon, il se trouve que j'ai 2-3 clients privilégiés qui me font la moitié de mon revenu annuel. Alors ceux-là, faut pas me les plumer. Attendez, celui qui est un peu attentif au jeu de la boulette, il a ses chances. Celui qui se balance du haut de la falaise aussi, si vous y allez par là. Oui. Allez, Seigneur Caradoc, vous allez pas faire votre femme. Ah non, merci, pas aujourd'hui. Oh, et juste une petite, qu'est-ce que vous risquez ? De me faire racler. Oh ! Avec l'entraînement que vous avez, non mais vous foutez de moi. Tiens, la boulette de pain, maintenant que vous l'avez dans l'œil, peut pas vous échapper.

c'est trop.